une fille sur l'autre quai m'a regardé. Une fille sur l'autre quai s'en est allée. Elle a laissé sur l'autre quai un rêve à peine commencé. Un rêve que je s'en fout d'entrain, c'est le destin.